car partout c'est Noël. Trop, trop, trop, y a trop de questions sur ma liste, de questions techniques et existentielles. Était jeté à l'eau tête la première, flotterait-il quand même? Rebondirait-il ou se cognerait-il? Et que vaut cette théorie qui dit qu'à chaque fois qu'on écrase une mouche, l'une de ses pattes repousse parmi nos sourcils? La vie ce n'est pas simple, mais heureusement on peut, paraît-il, expliquer le monde par une équation mathématique. 100 moins 30 donne 70, plus 100 donne 170, plus 70 donne 240, moins 30 donne 210, plus 70 donne 280, divisé par 4 donne 70. Va donc répéter ça à ta sœur de ma part. Elle en sera folle d'amour, j'en suis sûr. C'est bon, pareil, ouais. Parce que ça fait comme 5 minutes qu'on est en train d'être assis, puis il n'y a rien à dire, puis là, il s'est rappelé. Ouais, Fred Fournier, ici, à ma gauche, fièrement. Toi, Fred, aujourd'hui, comment c'est 2000... C'est quoi? 12. C'est ça. Ça fait du monde. Je vais dire 2002 tellement ça passe vite. C'est un renouveau du calendrier Maya qui est circulaire. Puis que, ouais, ouais. C'est, ça. C'est pas la fin du monde, dans le fond. C'est juste un recommencement. Ouais, c'est qu'ils ont arrêté à un moment donné d'écrire le calendrier. Il n'y avait plus de papier, ça a l'air. Ouais, sur le rush. C'est pas pire aussi comment que notre civilisation, tu sais, qui était très chrétienne et très sainte, a décidé de rentrer dans un peuple de plusieurs millions d'habitants, de tout brûler parce que c'était vraiment impie pis ça avait pas de bon sens. Puis 500 ans plus tard, là, hey man, il avait raison finalement. C'est spécial, c'est ça l'air de la science. Tu sais jamais quand tu vas avoir, mettons, raison ou tort, tu sais. Puis finalement, c'est les Mayas qu'on a tous brûlés puis décapités à coups de machette qui avaient raison. Ah, c'est simple, hein, finalement. Non. Rémi? Rémi est ici ce Salut. Soir à 70% pour une autre aventure, commencé 2012 en force. Rémi qui a fait des films. Un court-metteur, qu'on dit? Un court-metreur? Ouais. Un court-metreur. Un court-metreur. Un metteur en cours. Oh oui. Ouais, c'est ça. Donc, il va nous présenter ses dernières affaires, puis ça donne bien, parce que je suis dans la majorité, tu sais. Sinon, ben, le film qui a été voté au www.douteux.org... C'est l'excellent Kill for Love, qui est un film de Jean-Marie. Dommage que tu sois ma sœur, Palardi, un homme assez unique et particulier. On a Simon Préjean à console. Simon Préjean qui est habillé un petit peu aux couleurs de la soirée, parce que comme on manquait de beaucoup de personnes ici ce soir, unique. Ben on s'est dit qu'on était pour tenter notre chance puis en abuser deux lundis de suite avec un espace entre les deux. Là. Pour prendre la place à Forêt, Bernatché puis les autres poids lourds, on a l'excellent Géant avec nous ce soir qui... Allez à la maison, Géant, Géant, Géant, Géant, Géant, Géant. J'ai eu mon t-shirt, je suis rendu s'ils appellent ça les royettes, les fans de Roy Dupuis, ils appellent ça comment des fans de Géant? Des joyettes. Des joyettes devant les fils de Campus Valencien. Si j'aime ça. Donc, à soir, toi, t'es là pour nous parler un petit peu. On a des questions. D'ailleurs, je suis très fier de vous. Dès que ça s'est su que Géant passait à l'émission, on a eu plein de questions que les gens y m'ont envoyées et ils vont toutes être posées en intégrale. Donc, déjà, tu vas voir, ça va se faire aller pas mal. Tu vas nous jouer des tonnes live? Ben oui. Est-ce que t'as choisi ta setlist pour en faire saliver? Sauve-toi pas, je pense que si je la fais pas, je vais me faire frapper par un point long immense, mais je sors de site. Je sais pas pourquoi, là, tout à l'heure, j'ai eu affaire à quelqu'un de géant plus grand que moi, alors je suis mieux de me méfier. OK. Oh, oh, insider, ouais. Insider. Parfait. Ça, ouais. Donc, on va avoir géant live avec Sauve-toi pas quelque part dans la soirée. Fred qui va lire des nouvelles du métro, on a hâte. Et l'excellent Rémi ici qui va nous présenter son clip. Puis Jean-Marie Palardi, toi... Ah oui, il y a une idée technique, caméra. Prêt, ça va être quoi notre premier clip pour la soirée? On va aller voir Battle, un groupe que j'ai découvert cette année, mais qui roule depuis un bout de temps. C'est assez surprenant comme musique. On va aller voir Atlas. Tu veux tout ça tout de suite? Ben go, man, feu. Alright, feu. Ok, ben là, attends une minute. Là. Plus. Je vous rappelle que je fais la job de 5 personnes tout seul. Ouais, mais que t'es je continue de tenir le micro, en plus. On y va. Il y a 8 bras. We'll be right back. maintenant les manchettes internationales avec Bruno Corbin. Alors, en manchette ce soir, Bruno est absent. C'est une nouvelle fraîche qui date de 15 heures. Fred? Jolie maladroite. Le 20 novembre est resté gravé dans mon cœur. En cette journée banale, un vent de fraîcheur et d'une incroyable beauté est tombé sur moi, comme un signe du destin. Tu es tombé sur moi et je t'ai rattrapé et susurré mon nom à l'oreille en quittant. L'attirance semblait plus que réciproque. Je sais que tu te reconnaîtrais et j'aimerais tellement te rencontrer pour mieux te connaître et te faire sentir comme une femme extraordinaire. 29 novembre, wow, à 20h à Lionel Gou, j'y serai. Je t'attendrai. Hey de, boy, de ton il... rattrapeur. Qui l'a rattrapé. Là, il est trop tard. On aurait pu aller avec des pancartes. Come on, aimez-vous. J'aurais dû l'aller quand c'était le temps. Hey, prochaine fois que t'en as une comme ça, tu le dis à l'avance, puis on y va. Ah, il va. On le filme, puis tout. On met ça live. Pub, puis la passe en loup. Il y en a trop, je suis plus capable de suivre. C'est ça qui arrive. Ouais, ben, tu vas trouver une méthode aussi avec le temps. Je mets des petits astérix. Si on le filme à un certain niveau de qualité, on peut carrément vendre la pub au métro. L'encourage. Dans ma démarche. Hey, ben content d'avoir une nouvelle saison qui commence de 70%. Ça fait tout le temps du bien. D'ailleurs, moi, je vous offre à chacun en particulier, je vous souhaite de tout mon cœur votre souhait pour 2012, parce que c'est votre dernière année. Puis moi, j'ai jamais osé le dire, mais comme c'est ma dernière et que je nous donne à chacun un souhait, je le dis, là, j'adorerais être. C'est mon souhait à moi pour 2012, ma dernière année. J'aimerais être une sirène. J'aimerais être une belle sirène avec des longs cheveux. J'aimerais aussi être une sirène à avoir les boules, mais pas la plotte, tu sais. Hein? On a perdu notre caméra. Avoir une grande queue qui frétille. C'est donc mon souhait à moi pour 2012. Et si je suis une sirène, je vous promets qu'après, je vais faire tous mes efforts possibles pour réaliser les vœux des autres. C'est un petit peu ça mon message de fond. Là. Fif. Sinon, Géant, ton souhait, toi, pour 2012, c'est quoi tu prends? J'aimerais ça être un collectionneur d'escargots. Oh, ça se fait, ça. Ouais, pour être capable de briser ma carapace. Oh, métaphore. Métaphore. Métaphore, métaphore. Mais t'as l'air d'avoir des bons alliés, j'aime ça. Il y a Sylvie, ta première dame ici, qui te suit. C'est bon, ça participe à l'exercice. Puis j'ai rencontré un autre appendice à ta famille. J'aime bien ça. C'est vrai, ça fait des racines fortes, ça. C'est le fun. À Valleyfield, il se passe des belles affaires. Je suis plus capable, faut que j'enlève mes lunettes. Non, permets-toi. De toute manière, ça fait Halloween, ça. C'est dépassé, ça. Mais je veux dire, où vous êtes rencontrés? Hein, c'est cute, ça. On s'est rencontrés sur un site Badou. Puis c'est ça, on s'est donné notre numéro de téléphone. Okay. On s'est parlé pendant 2 heures au téléphone, puis elle habitait l'autre côté de la rue. C'est assez spécial. C'est cool, ça! Ouais. Sylvie, c'est-tu parce qu'elle est gênée qu'elle... Que, bien sûr! Ouais, ouais. Elle fait des sourires, puis elle est contente. Allô, Sylvie! Hey, ça, j'aime ça. D'ailleurs, Lyon fait la force. Bravo, ça. Hey, je voulais te remercier parce que quand même, ça fait 2 fois que tu te déplaces pour venir faire des pestacs avec nous. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose de généreux dans une attitude d'artiste. Et puis je pense que c'est pas toute la gang qui sont possédés par cette gentille qualité. Parce que j'ai vu une camparte en m'en venant. C'était marqué douteux.org. J'ai dit, pourquoi qu'on n'arrêterait pas? Serré des mains. Ça a donné que ça a bien été. Ça a bien tombé. Ben oui, il y avait un gars avec une caméra aussi. On peut-tu lancer un petit scoop là? Y a-tu un film qui s'en vient prochainement qu'on peut en parler un petit peu? On a tourné avec Géant tout à l'heure. L'attaque de la femme de 50 pieds de haut. OK. Et Géant nous a fait un grand numéro d'acteur. Et donc, ça va être à regarder prochainement sur ton canal à toi. On va y revenir pour l'instant. Moi, j'aimerais ça te poser quelques questions parce que, comme je disais tantôt, j'en ai plusieurs. Qu'est-ce que c'est pour toi la créativité? Fait demander Mathieu. OK. La créativité, pour moi, c'est... c'est de prendre dans ton cœur ton gros mouton de plastine, puis commencer à le modeler pour le mettre en évidence dans ton expérience de vie. Le sortir de toi, maintenant. Le sortir de toi. Ouais, c'est bon ça, j'aime ça. La plastine, en plus, tu peux pas te tromper. Parce que surtout avec la rose. Ouais. Ça se travaille mieux, en tout cas. C'est ça. Quels sont les styles de musique qui te font triper? Qui me font triper... T'en avais parlé, là. Il y avait Bon Jovi. J'ai un côté métal. Ah ouais, métal? Oh, ah, pas rock'n'roll hard. Métal. Métal. Moi, j'ai trippé sur des groupes comme Slayer, puis Megadeth. Metallica un peu, mais Metallica, vu qu'ils sont rendus bonbons, moi, je suis pas un mangeur de bonbons, fait que j'ai comme laissé le sac à la maison. Ouais, il y a bien du monde qui l'ont senti se passer. Hein? Ouais. Il y a un bout, c'est... Ouais, c'est le phénomène Offspring, ça, il paraît que ça s'appelle. Tout un spring. Non, peut-être Genesis aussi. Aussi mais, Americana, mais ça, c'est la référence encore. Offspring. Ouais, c'est tabarnak. Hein. Offspring, c'était le groupe punk des années 90. Puis après ça, ils jouaient des Toon Ska qui passaient sur toutes les chaînes. Là. Ouais. Oh, il n'est jamais trop tard pour vendre ton arme, hein? Non, mais. Pour un soir, je vais en garder. Là. Ben, j'espère bien. Elle coûterait combien ton arme, toi, tu penses? Et pas avant, voyons donc. J'en ai besoin encore parce que. Tout le monde a son prix. Tout le monde a son prix. Prêt, j'y veux savoir, là. 21,77. Hey, c'est le prix de Noël, ça! C'est ce que j'ai vu tantôt. Excellent travail, ça. Bravo, bravo. Avec qui t'aimerais faire un duo? N'importe avec... qui, là. Gandhi, Napoléon. Napoléon. J'aimerais ça avec Éric Lapointe. Pour une bonne raison. Hey! Parce que j'aimerais ça pouvoir partager justement mon talent avec le sien. Étant donné qu'il est très petit et moi très grand. On aurait besoin de deux caméramans. Moi, j'étais en train de t'imaginer, tu sais, les courses là, dans les camps de jour, là, que t'as les jambes accrochées. Là, tu cours, là. Là, je l'imagine lui balader en arrière. Ah, mais chacun, c'est. Alors, faire sa part, je trouve qu'il a roulé sa bosse, tout ça, puis il est quand même inspirant quelque part parce que, bon, il a amené beaucoup à la musique québécoise, mais il y en a d'autres, là. Regarde, ça pourrait être une demoiselle aussi. Il y a Marie-Mé qui me fait triper. Je trouve qu'elle a de la drive. Là. Ouais, elle a comme viré de bord. Ouais, elle, ouais mais, c'est mais ça. Pas comme les autres qu'on parlait. Là. Non, c'est ça. Puis, c'était de la première génération de Star Academy, si je me rappelle mon séjour. Oui, puis elle a été boudée. Ouais, ouais. Elle a été boudée. Finalement, c'est elle qui est revenue sur le plancher. Et voilà. Ouais. Mais Marie-Hélène était tellement... On s'en fout. là, on parle encore musique un petit peu, là. Mettons, à part le rock, le métal, là, comme les bandes, tu viens de nous parler, là. Tu sais, ta petite fillette secrète, là, ton péché. Moi, j'aime Rod Stewart. Oui. Moi, j'aime beaucoup Robbie Williams. Oh, c'est cute, j'aime ça. Il y a sa chanson Angel. Moi, ouais. Quand j'écoute ça, là, je dis à ma blonde une heure avant, va, arrête à l'épicerie, amène-moi des Kleenex. Ah ouais, je trouve ça tellement touchant, pas de joke là, il me fait triper ce gars-là. Puis on en a des Kleenex de géants à vendre, appelez-nous. Les noirs et blancs. Non, il fait bien triper lui. Puis là, il y a une question qu'un internaute a envoyée, mais moi j'aime bien ça, géant, que pour moi tu sois géant. Là, ici, tu demandes si Géant a un vrai nom et pourquoi un nom d'emprunt. Donc, pendant que tu vas répondre, parce que je veux pas censurer les autres, je vais me boucher les oreilles puis je vais fredonner un petit peu. Fait que tu peux répondre à... Oh, c'est du russe, ça! Okay. C'était de l'allemand, je pense. C'était de l'allemand. Fait que je suis content, moi, de pas le savoir. Bon. Ton premier souvenir avec la musique, ouais, ça t'en as parlé aussi dans l'autre entrevue, crème. Là, pour moi, le gars, il a écouté l'autre entrevue, puis il voulait poser des affaires plus précises. Ouais, il y a des grosses chances. Ah ouais. Le monde, ça parle, mon gars, ça va vite. Hein. Je me sens menacé. Bon, oui, tu fais bien. Manière, il y a ton tag team qui est là-bas. Là. Ouais, ouais, j'ai mon bonsoir là-bas, là. Ah, Max, là, ouais. Ça a l'air de rien, mais il est ceinture noire. Ça a l'air de quelque chose. Il est ceinture noire quand il sort, quand il vient de travailler. Ouais, ben, dans le fond, c'est questionnaire émotion de base. Je pensais te garder pour tantôt. Questionnaire qui porte sur l'humain derrière la rockstar. Ah ouais, c'est cute, ça. As-tu une famille? C'est réglé. Ah, mais peut-être tu peux nous en parler encore. Il y a ta mère qui est en train de nous regarder live. On dit bonjour à Madame Géant. On salue Madame Géant. Madame Géant, Louise. Bonjour Louise. Bonjour. Salut Louise. Louise. Santé et prospérité. Est-elle géante? Non, c'est ça. Écoutez, pour moi, il y a eu un bug qui s'est produit. Ma mère mesure 5 et 5,5, 5 et 6. Mon père, 5 et 10,5. Est-ce qu'il mettait des choses dans tes céréales le matin? Ben du fer. Ben du fer. C'est bon. Les poutres de Power Pack, là, pour culturistes. Là, il cite sur le, hey, l'humain derrière la Rockstar. Qu'est-ce qui t'occupe à part les collections d'escargots, mettons? Qu'est-ce qui m'occupe? Moi, je dirais bien gros... Ben honnêtement, le montage vidéo. Oh! Ouais. Quand j'ai vu Rémi, j'ai dit, c'est pour la vie. Oh, j'ai... Connexion instantanée. Les liens se font. J'aime ça, pareil. Hein? Ça, c'est parce qu'ils ont fait un film ensemble. On vous l'a déjà parlé. Géant, a-t-il une opinion sur les indignés, sur Occupy Wall Street et ces affaires-là? De quoi tu parles? Tu sais, le monde qui couche dehors, là, à Square Victoria, là. Ah, tu veux parler des itinérants ou ces gens-là? Ah ouais, les indignés qui ont voulu dénoncer les compagnies cette année. Non, tu vois, je pense qu'on a une réponse déjà. Là. Les gens qui vont dans la rue mais qui ont une maison, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est ceux qui vont dans la rue parce qu'ils n'ont pas le choix. On a notre réponse. Ouais. Ils sont allés dans la rue pour faire qu'il y en a plus qui sont dans la rue d'ailleurs. Puis d'ailleurs, c'est juste quand tu veux être dans la rue que tu devrais être dans la rue. Sinon, pas question. Puis même petite fois, soit offert une. Hey, wow. On peut faire un survol sur ta question encore. Tu peux me la reposer. Ok, je la repose. Alors, Fred, il a déclaré, là, c'est, là c'était ça. Non, mais c'est vrai qu'il avait répondu. Là. Puis là, il dit qu'il est capable encore. Toi, Rémi, lis ça, va. Géant, as-tu une opinion sur les indignés? Sur les indignés. Ben, la bonne nouvelle, c'est qu'au départ, il était digne. Et là, s'ils sont indignés, ben, c'est probablement à cause de certaines situations dans leur vie. Je peux pas vraiment répondre à leur place, mais je peux juste dire, relevez-vous et battez-vous. C'est bon, j'aime ça, moi. Ouais, ça, c'est encore une meilleure réponse qu'à l'autre. Comme ça... Bon. Hein? Rémi? Napoléon, il aurait dit pareil. Napoléon pis Éric Lapointe. Genre, c'était une affaire de hauteur. Comme on commence 2012, Géant, François ici fait demander, que retiens-tu, Géant, de 2011? Là, l'erreur, c'est d'en mettre trop ces derniers mois. Là, ben là, c'est drôle, on parlait tantôt justement de ce calendrier Maya pis toutes ces patentes-là. Là. Moi, je pense que c'est une grosse propagande. Il n'y a rien de vrai là-dedans. C'est tout simplement encore contrôler la masse par les peurs. Allez consommer, dépêchez-vous, sinon vous allez manquer quelque chose tantôt. Je pense que c'est un gros chariot de boîte. Hey, Chris, moi, je... Amen. Dans le sens de Amen, comme A-M-E-N. Amène ton cash. Non, ouais, aussi. Colin, oui, je pense que c'est sa dynamique. Hey, merci beaucoup, Géant. Ça fait plaisir. On est rendu au moment de la émission que... C'est la pige! On va piger des noms! Moi, je pense, caméraman, peut-être tu pourrais crever ta bulle tout de suite pendant que Géant se place pour sa première chanson de la soirée. Là. À moins que t'ailles... Ben oui, tu voulais nous parler de quelque chose là, tantôt. Là. T'avais Aérobo. Ah, mon Dieu! OK. OK, dans le fond, ce que tu veux dire, c'est que j'ai enfin... Je me suis dit qu'à 30 ans, c'était une bonne idée de lire les classiques. Fait que j'ai lu iRobot d'un certain Asimov. Isaac Asimov, ouais, non, ben, regarde. Complètement inintéressant. Complètement inintéressant. Moi, je m'attendais vraiment, quand j'ai lu le livre, je me suis dit, bon, je vais avoir du Will Smith, je vais avoir plein de robots, je vais avoir... Ça va être le fun, ça va bouger, là. Tu sais, un livre, c'est toujours meilleur qu'un film. Pas cette fois-là. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait Isaac Asimov. Là. Je sais pas quoi qu'il a pensé. Il y a rien que des petites histoires. Juste des petites histoires, c'est super inintéressant. Déjà en partant. Deux, les robots, ils sont jamais méchants. Jamais. Leur but, c'est vraiment de protéger l'être humain à tout bout de champ. Il y en a même... T'as une séquence qui ressemble un petit peu comme dans le film, mais exactement pas pareil. Là. Ils cherchent le robot, genre, qui aurait fait quelque chose de pas correct. Mais le robot, il voulait juste se cacher. Il voulait pas tuer personne. Il a pas tué personne. Pis ça me fait chier. J'aurais aimé ça, moi, avoir, tu sais, dans la verbe d'Isaac Asimov, un robot qui tue du monde. Même pas. Pis Will Smith. Il est où, Will Smith? Non, attendez, là. Je pense qu'on comprend pas. Non, mais attends un peu, là. Je pense qu'on... Non, mais attends un peu, on se comprend pas, là. Le plus gros problème de toute l'œuvre de iRobot de Isaac Asimov, c'est qu'il a vraiment omis Will Smith. Non, mais même... OK, mettons qu'on prend pas Will Smith. Mettons, là. Il y a même pas de personnage actif là-dedans. Il y a pas d'ancien policier qui doute des robots, qu'un robot aurait violé sa mère. Rien. Tout ce qu'on suit, c'est une vieille madame psychologue de robot. Psychologue de robot. Come on. Ça fait juste nous faire réfléchir à des affaires, puis ça me fait chier. Ça me fait vraiment chier. Et moi, j'ai grandi en lisant ce livre-là, puis ça m'a fait chier. Ça m'a vraiment fait chier. Parce que j'ai appris des choses, je me suis positionné dans des réflexions, puis ça m'a dérangé énormément. Puis Isaac Asimov, là, on dira, ben, ce qu'on voudra, là, mais il n'y a absolument rien fait pour qu'il puisse avoir une suite à nous, les robots. Rien. Tout est comme fixé, tout est comme réglé. J'aurais aimé ça, moi, avoir Nous les robots 2, le retour des robots vengeurs. Impossible! Les robots sont gentils. Puis Brain, là, le cerveau dans le livre, là, elle contrôle rien, là. Elle fait juste s'amuser parce qu'elle comprend pas trop comment qu'elle fait pour tuer du monde, puis elle s'amuse avec des humains. Elle tue pas personne. À ne pas lire. À ne pas lire, vous allez être déçus. Allez plutôt relouer iRobot, puis réémergez-vous dans l'univers de Will Smith. Merci! Merci, Andy! À venir sur, à 70%, la chronique livre de Andy Jacques. La semaine prochaine, le TV Hebdo de février 89. Géant, avant de passer à ta chanson, là, j'aimerais que tu nous la présentes. OK, cette chanson-là parle de mon vécu. C'est une chanson qui... on se mettra pas à danser, c'est clair. Elle s'appelle « Ma leçon ». Et c'est assez intense. Si vous avez des Kleenex, c'est le temps. OK. Alors, je vous interprète ça. On a de l'eau de mop, sinon, au pire. Là, mais... D'accord. On est avec toi, mon gars. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui peut bien me faire souffrir. Je sais pas pourquoi que je prie seul la nuit. Je sais pas pourquoi, peut-être que j'ai pas guéri. C'est peut-être mon père m'a jamais dit que j'étais bon, puis que ma mère Même si le diable vous repère, il n'y peut rien et doit dire non. Et je suis de retour sur terre pour accomplir ma mission et faire tout ce que je devais faire afin d'en tirer ma leçon. Chanson. Faites-moi pas ça. Non, mais ça, tu dis, ça parle de ton vécu, fait que c'est Colin, je te souhaite de garder tes tripes, mon gars. T'as l'air d'en avoir des solides. Il a l'air d'aller mieux, je trouve, aujourd'hui. Ben oui, c'est ouais. Ça, là. C'est comme mon papa dit souvent, hein, c'est pas de tomber qui est grave, c'est de pas se relever. Ben, j'ai décidé de pas faire comme le calendrier Maya, finalement. T'as trouvé Sylvie. J'ai trouvé Sylvie, c'est ça. Hey, puis elle s'est dit, ben, Sylvie, je reste avec. Oh! Oh! Bon, j'ai pas de sound effect de drum, mais il serait là, là. Hey, ben, d'ailleurs, en parlant, là, je pense que je viens de trouver une solution. Ça doit exister encore du monde qui ont du sang à Maya. On pourrait lui demander de continuer le calendrier. Notre comptable est Maya. C'est Pablo. Ah oh ben Colis, douteux à la solution. C'est vrai. C'est vrai, on oublie tout le temps, c'est une minorité visible. C'est pas facile, tu sais. On avait un Maya. Ça va vite. C'est lui qui compte notre argent. Ah oui, c'est peut-être ça. Peut-être pour ça qu'on n'en a pas aussi. Ouais, non, mais. Il y a aussi d'autres raisons. Je suis pas gros, voyons. Non, on est rendu au moment de l'émission où je pense qu'on va écouter le clip de Carl Carmoni. C'est Rémi ici qui, pendant la dernière fois, en 2011, qui nous a filmé un petit peu toute la fin de semaine et qui a fait un montage, en fait, qui a été des insiders et tout, là. Je veux dire, c'est la première fois qu'on va écouter l'entrevue de Carl Carmoni. T'as-tu un commentaire? Y a-tu une affaire qu'il faut qu'on sache avant? Y a-tu des noix dedans, si je suis allergique aux noix? Non, y a pas de peanuts, c'est quoi. Pas d'allergie, c'est bon. Parfait. Il est plus caméraman-monteur, c'est pour ça qu'il... On va l'avoir. Fait que feu, Carl Carmoni, l'excellent, l'unique. Lui aussi, on va essayer de le ramener à douteux.tv, la télé des champions. Mesdames, messieurs, bonsoir. Je suis présentement en présence d'une légende vivante, en la personne de Carl Carmoni, champion de mini-pot. Monsieur Carmoni, bonsoir. Ben, bonsoir, monsieur. Merci de l'invitation. Ben, ça nous fait plaisir. Je me demandais, premièrement, est-ce que vous savez combien de tournois vous avez remportés? Combien de tournois vous avez joué, d'abord? Ben, normalement, on joue une dizaine de tournois par année. 41 ans, 410 tournois. Puis là-dessus, vous en avez gagné combien? Je dirais, comme l'an dernier, je n'ai gagné 7 en 11, moi ou mon épouse, ou en équipe, ou en simple. Mais normalement, là, les champions majeurs, il y a 4 tournois par année qui étaient pour la télévision. Je n'en gagnais au moins un pour me classer. Puis après ça, je n'avais pas le droit de jouer parce que j'étais champion défendant à télévision. Donc, quand tu es champion défendant, tu n'as pas le droit de te classer. Il faut que tu perdes, revenir te classer et retourner. Okay. En moyenne, ça a bien été, même encore cette année, là... 7 tournois en 11, là, c'est extraordinaire malgré le calibre de jeu. Là. Ben oui, c'est excellent. Je savais pas que vous jouiez encore, en fait. Est-ce que c'est encore télédiffusé? Non, on essaie de remettre la télévision en onde depuis 5 ans, disons, mais la télévision, elle a arrêté en 2000. Okay. Et puis, en 2005, de 2000 à 2005, il n'y avait absolument rien. Donc, ça, j'ai créé un site web avec mon fils. Et j'ai relancé des tournois les fins de semaine en Pro-Am à travers le Québec. On a 10 journées de Pro-Am au Québec. On prend un nouveau, puis on le jumelle avec un élite. On joue en deux balles, meilleure balle. Puis, on y monte à jouer en même temps pour les gradués, là, les initiés à la compétition. C'est quoi le genre de trou que vous préférez? Aimez-vous mieux quelque chose de plein ou quelque chose avec des obstacles, des trucs qui bougent? Bien, disons, moi, mes trous spéciales, c'est des trous obstacles avec bande. Et puis, vu que je suis un maître de la vitesse, j'aime jouer le maxi. Parce que sur le maxi, si tu contrôles... Ceux qui gagnent le maxi, c'est ceux qui contrôlent la vitesse. Okay. Donc, sur le mini, si tu trompes en vitesse, au lieu de le faire de face, tu le fais de back. Mais sur le maxi, si tu trompes de vitesse, t'es dans le décor. C'est ce qui fait la force à moi et mon épouse. Parce que les trois derniers tournois des maîtres, c'est sur le maxi. En 3 ans, c'est soit moi ou mon épouse qui a gagné en 5. Donc, on est une coche en haut des autres, uniquement parce qu'on a un contrôle de vitesse parfait. Et puis, est-ce que vous avez déjà rencontré Serge Vlemenx en personne? On se parle à tous les semaines, moi et Serge. On a des projets en commun. Et puis, Serge Vlemenx, je l'ai rencontré à partir de 91 à toutes les semaines pendant l'été. J'allais même l'avoir joué le championnat des quilles Canadian Tire au Laurentian Lane. J'allais jaser avec en deux parties de bowling. Puis Serge, c'est un grand ami. Disons qu'on a des projets en commun encore aujourd'hui là, qui nous tient en contact. Puis l'idée de ramener le tout à la télévision, est-ce que ça l'impliquerait, M. Vlemenx, également? Bien, moi, c'est règle numéro un. Parce que le mini-pot, il faut dire, pour ramener ça à la télévision, avant, c'était soit Jean-Benoît, le propriétaire, qui mettait l'argent pour financer la TV, pour annoncer la franchise de la construction de terrain. Mm-hmm. Après ça, c'est les propriétaires qui se mettent ensemble, qui mettaient 150 000 sur la table pour publiciter mini-pot, mettre du monde sur le terrain. Mais là, c'est révolu. À ce temps, il faut que ça parte d'en haut. Les réseaux, les commanditaires et les producteurs qui veulent mettre le champ en onde. Ouais. Là, ils ramassent quelqu'un à mini-pot, prendre soin de mini-pot. Moi, ma règle numéro un, quand un producteur me contacte ou un réseau, Serge Vlemenx, il faut qu'il soit en ligne, sans ça, j'en bac pas. Oui, parce qu'il est quand même associé fortement au mini-pot dans la culture populaire de tout le monde, dans la tête de tout le monde. Puis en plus, il met de l'ambiance. Bien, c'est pas Serge Vlemenx, ce mini-pot n'existe pas. Là. Les Carmoni, Noël, Pierre, lui, ils sont pas connus. Là. Lui, nous autres, notre job, c'est de donner du matériel en faisant un bon show. Puis lui, par sa description, ça donnait quelque chose que le monde a gardé en mémoire. C'est Birdie, les renversants superbes, tout lui comme ça. Fait que sans Serge Vlemenx, ce mini-pot, il n'y a rien. Puis ça joue à deux, ça. Moi, quand un producteur m'appelle, j'impose Serge Vlemenx. Sans ça, j'embarque pas. Parce que eux autres veulent avoir un gros nom. Bon, Carmoni, Noël, Bussière, Vlemenx. Mais de l'autre côté, quand il ramasse Vlemenx, lui, il est animateur. Il veut rien savoir du mini-pot. Je veux dire, la technique, tout ça. Son homme, c'est moi. Fait que ça joue à deux. Ouais. Vous me parliez tout à l'heure que vous aviez également un site web où vous vendez des produits promotionnels. Vous avez parlé d'un DVD de 50 minutes. Pouvez-vous le décrire un peu à nos auditeurs? Oui, ça, c'est un DVD que j'ai fait, vu la demande sur le web, mes anciens fans, autrement dit. Ben oui. En 2005, moi, je m'ai commencé à être informatisé là, donc j'ai pas connu, je savais pas que j'étais aussi populaire, autrement dit. J'ai eu une surprise un matin quand j'ai embarqué chez Google. Sur Google, j'ai fait Carl Carmoni, puis j'ai vu des tonnes de pages. Ben oui, y en a plein. Des tonnes de pages. Fait qu'à la demande des fans, j'ai fait un DVD dont les fonds allaient pour le cancer. Au début, là, ils viennent pour moi, sœur. Maintenant que le cancer est guéri. C'est ça, avant ça que le cancer est guéri. Disons que c'est 58 minutes d'action. Ça commence, ma petite fille de 6 ans qui fait un birdie pour le concours Hostess sur Italie de Michael Bossy. Et puis c'est la seule qui a fait le birdie à 6 ans à TV. Après ça, il y a mon fils qui a joué un match. Il y a 4 birdies, ils sont en rafale. Un entre vous pour mon épouse, que je dis, c'est qui est le boss sur le terrain, c'est moi. Peut-être pas à maison, mais sur le terrain, c'est moi. Et puis là, on voit ses deux birdies à elle qu'elle a fait pour battre Noël et Bussière dans le même match, à son premier match. Elle rencontrait Gilles Bussière, puis Justin Noël. Et puis, ça lui a pris le birdie au 18 pour le tailler. Ben, un autre birdie supplémentaire pour gagner. Puis après ça, c'est 55 minutes de birdie en rafale avec la voix Vemings de moi tout seul. Là. Vos propres birdies, est-ce que c'est tous les birdies que vous aviez en archive? Non, ceux que je bougeais. Fait que c'est 55 minutes d'action, là, on va dire, à 6-7 secondes du birdie. Pendant 55 minutes, ça fait du birdie. Ah oui. Ceux que j'avais pas de réaction, quand tu fais un birdie, puis tu tires de l'arrière de 5-6 coups d'un match. C'est moins intéressant à regarder. C'est ça, mais quand tu en fais un pour une grosse somme d'argent ou une victoire ou embarquer dans le match, des réactions, des bons commentaires de Vlemings, là, ils sont là. Parce que les vidéos qui sont très populaires sur YouTube de vous, c'est justement ceux où vous réagissez énormément en sautant, en gambadant. Est-ce que vous faites encore ça en faisant un birdie? Bien, disons, là, dans le programme, un peu moins. Je le fais pareil parce que là, les gens demandent. Le programme, c'est pour s'amuser un petit peu plus à la compétition. Puis la deuxième partie du tournoi, l'après-midi, c'est enceinte. Là, on reste un petit peu plus tranquille pour ne pas déranger parce qu'à la télévision, on est quatre qui jouent, mais un à fois. Tu peux crier, sauter, ça dérange personne. Mais en tournoi, il y a plusieurs personnes à poids. Fait que je suis vraiment à courir puis sauter, ça dérange. Ça mais dans le programme, je ne me gêne pas. Ceux qui sont là pour sérieux, ben ils joueront sérieux la deuxième partie. Moi, je suis là pour donner de l'ambiance aux gens. Ils en veulent, je leur en donne. Ah ben c'est très généreux. Rappelez-nous l'adresse de votre site web pour ceux qui veulent aller commander votre DVD, entre autres. Oui, bien, il y a le chandail aussi que Cal Caroni, champion 1991, qui est en vente. Et puis, il y a le DVD, c'est le www.minipot.net, avec un petit trait entre le mini et le pot. Vous faites une recherche Google, Cal Caroni, vous allez tomber là-dessus. Parfait. Bien, je vous remercie beaucoup de votre générosité. Puis, on vous souhaite encore énormément de birdies. Merci beaucoup. Au revoir. Malade, malade. C'est vraiment malade. Je suis allé avec grand-maman, l'extase mystique. Ça me dépasse. Ah, belle dame. Je suis gay. Rémi? Oui? Tout d'abord, gêne-toi pas à déplacer ça si tu veux être le plus à l'aise possible. Je voulais te remercier beaucoup au nom de Douteux et de tout, parce que c'est la première fois qu'on a des images, je te dirais, aussi de qualité et qui ont été cherchées par quelqu'un qui était intéressé à aller les chercher. Fait que c'est peut-être la naissance de nos archives sérieuses. C'est grâce à du sang français. Bravo les cousins. Okay. Parle-moi de ton projet. Wow, donne pas trop de mérite aux Français non plus, là. Je dis ça de même. Non, c'est pas vrai. Merci beaucoup. C'était vraiment. On n'a pas besoin de bien fait, son bien. Peuple. Merci, Rémi. Fait que, toi, en tant que cinéaste de la relève, pourquoi ton intérêt vers les courts-métrages? C'est pour le fun, pour s'amuser, puis faire marcher la créativité. C'est vraiment amusant. Hein. Quand que Géant tantôt parlait de plasticine, toi, de pâte à modeler, est-ce que tu t'es reconnu là-dedans? Oui, non. t'as pas écouté? Je dormais à ce moment-là. J'y ai demandé c'est quoi pour lui la créativité, puis il disait que c'était... Ouais, c'est ça, c'était comme de la pâte à modeler qu'il fallait de son cœur, tu sais. Ouais, tu marches avec de la bouffe. Ouais, c'est bon, il dit qu'il est capable. C'est ça. Je faisais allusion au petit bonhomme bleu puis rouge dans le temps, là, tu sais, quand on était ah, jeune. Ah, ouais, là, ouais, ouais. Avec des chapeaux. Chapeaux. Ouais. Ah non, on est sérieux. Oui. 70% du temps. Tu veux dire allô à quelqu'un? Ouais, il faut qu'on dise bonjour à notre maman. En fait, ben oui, il y a peut-être papa aussi qui écoute. Il faut que tu dises dans la caméra là. Bonjour maman! Voilà. On le trouve bien pratique, votre fils, en tout cas. Il est sympathique et tout, là. Ça, c'est du bon travail. Merci, en tout cas, pour les images. Est-ce qu'il y a un site, une manière d'aller voir ce que tu fais? Parce que t'en as fait beaucoup. T'aimes surtout le stop animation, me semble. Il faut aller voir des vidéos d'animation, donc sur Galinette Studio. G-A-L-I-N-E-2-T-E Studio. G-A-L-I-N-E-2-T-E Studio. Studio. Puis là, Simon, grâce à la magie de la télévision. Ouais, je pense qu'on est en train d'avoir ça en dessous. C'est-tu qu'on est équipé? Mais sinon, je veux dire, Galinette, qui d'autre se bat pour avoir ce nom-là que toi, maintenant? Personne, c'est comme. Ouais, hein. J'ai aucun problème pour garder ce nom-là. Okay. C'est quand même un bon choix. Ben, sinon, on va en écouter un autre plus tard. Là, il y a eu ton entrevue. En tout cas, tu nous présenteras ton affaire tantôt. Là, on va retourner voir Fred avec. Ces aventures de Metro Flirt, il y a des bouts que ça fait peur, il y a des bouts que c'est touchant, mais la majorité du temps, c'est beau. Ça fait peur. Fred? ouais, on va y aller avec celle-là. Toi, mon amour, je te croise régulièrement à la station Lionel Gou avec tes gros écouteurs et ton air lunatique. Beau grand brun au manteau gris et à l'air évasif qui court après sa correspondance sur la ligne verte. Tu descends à McGill et j'aime commencer ma journée à t'observer. Peut-être oserais-je te parler un jour de moi. Donc, c'était ça. Yeah, ouais, ça fait quasiment peur. Ouais, je suis avec un autre de chaque côté aussi qui est très court. Ben, vas-y. Ça s'adresse à Mystérieux. Lors d'une panne de métro, je t'ai prêté 50 sous pour faire un téléphone. Ton regard et ton sourire en disaient long au métro Berri-UQAM. J'espère pouvoir te revoir dans de meilleures circonstances. 17h09, tu portais des jeans, casquette, lunettes d'ici, de mystérieuse. Mais pas étonnante. Elle dit pas qu'elle est étonnante. Non, mais je trouve ça pas pire. Hein. C'est donné 50 cents, mais ça devient besoin de lèvres à un moment donné. Là. Hey, avec ça, on veut pas. Je suis rendu plein de papier de toilette, hein? Non. Peux-tu poser des questions à Géant? Je t'en prie, Fred, s'il te plaît. Je suis impatient. C'est-tu la première personne que t'as entrevue à TV, toi? Ouais. Fait que là, c'est baptême de feu. C'est une grande première. Sois poli avec, c'est sa première. Fais-y, fais ce que tu veux. On va regarder à côté, nous autres, mais on va juger ta performance. OK. Peux-tu me faire une publicité en même temps pendant que tu me parles? Ben oui, certainement. Mais hein, certainement. Non, le CD Géant Foudel en vente... Partout où Géant se promène. Où Géant est. Est-ce qu'on va en avoir à soir au brouhaha en vente? Mais savez-vous quoi, les gars? On sait pas, lui. Vous êtes tellement sympathique, là. J'ai parlé à mon boss qui est là-bas, il est assis. C'est lui, puis je pense qu'on va aller avec vous autres là-bas. Ah, yeah. Wouh! Ouais. On devrait trouver au moins une pinte d'affaires à boire. Vous êtes trop attachant. C'est pas la géant mobile. La géant mobile, oui. Bourré d'hockey. Les enfants ont laissé ça dans la valise. Donc, en fait, oui. C'est là qu'il fallait que tu prennes le contrôle. Oui, je prends le contrôle. Garder le focus. Géant, j'ai écrit des questions. Ça m'a trotté dans la tête aujourd'hui. Tout ça, j'ai pensé à quelques questions à te poser. C'est des ABCD, donc c'est un peu comme un sondage. T'es pas obligé de répondre. Tu peux répondre une autre question. C'est à ton insu. Bon, ça, toutes mes questions commencent par ça. Géant, t'aurais ajouté ma blonde sur Facebook, pis pas moi. C'est-tu parce que. Ah! Tu m'as pas reconnu parce que j'étais un ninja. B, t'as rajouté plein de monde. C, tu t'es dit, tiens, une fan de plus. Ou D, t'as trouvé cute. Premièrement, je sais pas c'est qui ta femme. Personnellement, moi, je. Elle s'appelle Myriam. Tu l'as rajouté sur Facebook, pis pas moi. En tout cas, j'étais vraiment jaloux, sérieux. J'ai passé toute la semaine à me dire, si j'ai hâte de pas rajouter, Chris. C'est sûr que tu tiens. Honnêtement, là. Je règle des questions personnelles ce soir. J'ai une réponse à ça. OK. En bon pêcheur, j'ai lancé un appât, puis là, t'arrives. Ouais, je pensais pas qu'elle finirait de même ta réponse, mais en tout cas, ma deuxième question. Géant. Oui. Est-ce que tu joues à A, Magic? B, celui qui pisse le plus loin. C, je joue pas, je compétitionne. Le deuxième, c'est le premier perdant. Ou D, tant qu'on m'explique, je veux bien essayer. Tant qu'on m'explique, je veux bien essayer parce que Magic, ça me dit vraiment rien. Tu joues pas à Magic. Tommy m'a posé la même question le soir de la représentation et je sais pas c'est quoi Magic. Je suis désolé, les gars, de vous décevoir. Non, excuse-toi pas à moi. Moi, je suis bien content que tu connais pas Magic. Excuse-toi pas à moi. Il est content. Moi, il apprend à jouer, Predge. Fais pas ça, on va le gâcher. Oui, c'est ça. Troisième question. Géant, C'est bon, hein? Il a repris le contrôle. La chanson « Sauve-toi pas » ne se retrouve pas sur l'album « Fou d'elle ». Pourquoi? A. Tu trouvais qu'on l'avait trop entendu. B. C'est un oubli, tout simplement. C. Tu voulais la garder pour toi et ta douce. Ou D. Est en tune cachée sur l'album, puis je l'ai pas remarqué. Cette chanson-là, je l'ai faite après cet album-là. Encryptée à travers les autres. On n'entend pas. Elle fait partie des mélodies, c'est un mélange. Non, non. Pour vrai, c'est parce que non, je l'ai faite par après. Tu l'as faite après. Cet album-là est sorti bien avant. Mais je peux vous dire une chose. Cette chanson-là va sortir. Parce que il y a beaucoup de monde à Montréal qui l'aime. Ça peut pas rester caché, ça. Ben non, ça dans l'armoire. Je tiens aussi à souligner que depuis une semaine, on a des fleurs dans l'armoire. Signé géant, en plus. Ça veut-tu dire que tu nous prépares un autre album bientôt, ça? Honnêtement, j'aimerais bien ça, pouvoir me faire endisquer et trouver un contrat de disque avec une maison de disque québécoise. Je suis à la recherche de ça. J'ai pas été vraiment frappé au pas. Mais en espérant justement qu'en en parlant comme ça en entrevue, que bon, ça puisse se produire, quelqu'un entende ça. Faire vivre le mythe, puis à un moment donné, ouais, ça va se greffer à toi. Ben là, j'ai décidé de faire le contraire de ce que je faisais avant. Au lieu de chercher une maison de disques, j'ai décidé de consacrer du temps à mes fans. Comprenez-vous? Oui, ouais, ben oui. Ben, je... J'ai essayé l'autre manière, et présentement, il y a des gens qui adorent ces chansons-là. Fait que je me dis, garde, consacre ton temps à eux autres. Puis quand il y en aura un qui va se réveiller dans les maisons de disques, qui va dire « Hey, il existe, lui? Oh, » ils proposeront quelque chose. Il y a une offre et une demande qui se parle. C'est tout. Moi, je fais pas de cash avec. Fait que qu'est-ce que j'attends pour embarquer? C'est tout. Puis si on pas intéressé, ça va en être un autre. Ben, j'aime pas mal ta manière de fonctionner. Ben, ma prochaine question... J'aime pas mal aussi ta manière de fonctionner. Ma prochaine question est un peu connexe au sujet dont on parle présentement. Géant, c'est quoi on dit de la chanson « Sauve-toi pas » que ce n'était pas ce qu'il recherchait? Est-ce parce que A, ils remplissent déjà leur quota de francophones? B, c'est quoi on a perdu depuis les belles années du 6 à 6 avec Denis Fortin? C, c'est quoi passe juste de la musique de marde? Ou D, c'est quoi ne connaît absolument rien à la musique? Wow! Je suis pas dans l'eau bouillante, mais ça chauffe. Non. Moi, j'irais plus... Andy, va y chercher ton beigne orthopédique. Je vais être quand même délicat là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que je suis pas le premier qui a chialé là-dessus. Les stations québécoises ici, comme C'est quoi, C'est quand même tout ça, limitent beaucoup nos artistes. Les artistes, il y a beaucoup de talent au Québec et c'est beaucoup de boum-boum à la radio. Tandis qu'on pourrait faire passer beaucoup de nouveaux artistes, puis justement enrichir notre culture québécoise, ce qu'on fait pas assez. Ou juste lui donner une plateforme de diffusion qu'elle mérite, mettons. Exactement. Ah, oui. Puis non, ma chanson, savez-vous que Patrick Lagacé l'avait commenté sur Cyberpresse? C'était dans mes prochaines questions. Ah, excuse-moi. Ouais, tu me dépasses carrément, tu peux y aller. Ben c'est ça. En 4 jours, il y a eu 25 000 visiteurs. Malheureusement, une personne a supprimé mon compte, une personne à qui je suis plus aujourd'hui, par erreur. Mais ça allait bon train. Ouais, puis ça aurait fait une boule de neige, j'imagine, parce que moi-même, j'ai été surpris après 4 jours, 25 000 personnes, c'est quelque chose. Oui, hein. Oui. Ouais, j'ai ouais. parlé à Patrick Lagacé par courriel, je l'ai remercié parce qu'il m'a fait une pub. Bonne visibilité. Ben, c'est ça. C'est un journaliste qui a parlé d'un auteur-compositeur indépendant. Exactement. Interprète. Ouais, ça fait du bien, ça. Ils font jamais. C'est... Il avait dit ça prend des couilles de la grosseur des membres du Brésil pour sortir une chanson comme ça. Alors, j'ai dit coudon, pourtant, il n'y a rien vu de mes culottes. Ah, ouais, c'est ça. géant un peu, géant partout, ils vont dire. Là. Ouais, c'est ça. Hein. Ma prochaine question traite un peu de sujet que tu avais abordé dans l'entrevue avec Tommy la semaine dernière. Géant, comment as-tu réagi lorsque tu as appris que Jon Bon Jovi n'était pas réellement mort? A. T'en croyais pas tes oreilles. B. T'as lâché un soupir de soulagement. C. Encore les Illuminati. Ou D. T'es tout de suite mis à chanter Living on a Prayer. Est-ce que tu viens dans mes pensées? Keep the faith. Keep the faith. Je me suis trompé de pas loin. Ah ouais, non, mais d'après moi, c'est les Illuminati. Toutes ces réponses. Ah oui, je suis convaincu. C'est un gars qui fait beaucoup d'argent. Il faut que ça véhicule à travers le monde, cet argent-là. Fait qu'ils se sont dit, on va faire à croire qu'il est mort. Descendant fait qu'on va vendre plein de disques. Et on dit, hey John, bienvenue avec nous. Bienvenue dans notre équipe. On sait que ça marchait pour moi. J'étais avec les langues fourchues, là. Ouais. J'étais bien déçu, non, parce que. Ben, j'étais déçu, premièrement, qu'il avait dit qu'il était mort. Parce que. Ok, mais pas lui-même. Non, c'est ça. Les gens. C'est le même I que ceux qui couchent avec leurs heures quand ils sont bandés, là, tu sais. Un coup bandé et puis parenté, là. Il y en a qui disent, tu sais, ils disent ça, tu sais. Lui, il nous a rassuré pour revenir, là, sur le sujet le soir même sur Twitter avec une photo de lui-même datée qu'il avait bel et bien fait un spectacle le soir même que t'as fait un spectacle au Bois-A, donc qui se portait bien. Donc, il nous a rassuré via la Twittersphère. C'est ça, je pense que. Twittersphère! Ouais, ça spin, ça, man. Ça s'arrête jamais. C'est un très bon nom. Je pense que, ouais, c'est ça. Il était au courant que je m'en ai vous voir. Puis, c'est le moment de sortir ça, là. Dans un coup monté des Illuminati. Ouais. Dernière question, Géant. La question qui tue. Tu peux fermer les lumières, je sais pas. Je vais utiliser ma voix Guillaume Lepage. Après 100 000 vues sur YouTube. De même qu'une visibilité sur des sites internet majeurs tels que Cyberpresse, comment ça se fait que Guilla n'était pas encore invité à Tout le monde en parle? Est-ce que c'est A, il y a trop de corruption dans la construction, B, il y a trop d'enveloppes brunes qui circulent à l'hôtel de ville, C, il y a eu trop de bisbilles au sein du PQ avec Pauline Marois, ou D, il parle trop de politique à cette émission-là, anyway. Je pense que hey, là, attends un peu, là. J'aime le chinois, là, pas ce point-là. C'est mieux que le métro fleur. T'intervieweras quelqu'un différent. C'est du contenu original, fait à la dernière minute. Ben, tu m'excuses. Ben non, mais j'aime bien plus ça que le métro fleur. Continue. OK, là, cool. Ben, réponse. Écoute, je pense que ton contenu, tout est vrai. La seule affaire, c'est qu'il y a la page, j'ai écrit à Tout le monde en parle, j'ai jamais eu de réponse. Je pense qu'on aurait un problème au niveau de la hauteur pour les caméramans. T'es syndiqué, ça serait trop. Une solution. On demanderait à celui du décor en bas. Là. Ouais, c'est vrai, ils n'ont jamais eu personne ils plus de. Jamais eu personne de plus de 6 pieds 4 à cette émission-là. C'est ça. Non, ce serait très laborieux de faire un plan sur moi puis de trop baisser vers. Celui qui fait des jokes. C'est parce qu'ils n'ont jamais reçu personne. C'est lui qui parce qu'ils n'ont jamais reçu personne d'aussi grand. Et voilà. Voilà. Et voilà. Je le mets au défi, moi. Je le mets au défi. Qui a le page, je vais m'inviter. Au défi. Faiser sur ses notes de piano, faire jouer mes tunes. Et ça apprécie, ouais. J'ai entendu ça, moi. J'aimerais bien ça, voir ça. Si ça, on va te laisser un petit macaron ou un t-shirt. Si ça arrive, ça va être douteux. Il l'a dit. Hey, ça veut dire, t'as-tu fini ton entrevue? Ouais, j'ai posé toutes mes questions. Je suis vraiment content. Cette scène est censurée. Fin de la censure. Ouais, on est d'accord, on te donne 70% sur ton entrevue. Ça, merci. Ça a été rondement mené, puis moi j'insiste, tu devrais, mettons, dire « Ok, Bernatché, j'ai des questions pour toi, puis c'est l'entrevue choc, là, puis là, tu mets des lunettes à la chénier, là, puis... » Par ça, je dis pas que c'est une mauvaise idée, là, non, mais... Non, c'était du rodage, c'était l'introduction. Ouais, c'est des choses qui se passent. C'était dégêné, mettons, là. On est en train de créer quelque chose, puis sinon, tu continues à danser, puis tu dis que j'ai pas raison, puis que je devrais fermer ma gueule. Ben, quand j'aurai pas tu devrais fermer ta gueule. Fred, je vais le dire, j'aime ça, moi, il dit ça. Tom, tu vas fermer ta gueule! Avec plaisir, parce que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner à Géant... j'ai plein de sabots de vache sucrés ici, là. Et puis ça, ce qui est pratique, c'est que c'est à saveur de fruits. Si t'en manges assez, ça compte comme une portion fruits. On voit le prix. On voit le prix sur l'emballage. Et puis là, Géant, dans le fond, moi, j'aimerais ça parce que on vient de vivre sûrement l'année la plus canadienne que le Canada a vécu de toute l'histoire. On se faisait donner des posters. On est dedans. Puis là, ben, je me suis dit, peut-être que le Haut-Canada... Ça serait une belle affaire à chanter. Mets-toi-en plein dans la bouche, là, pis... mettons, qu'est-ce que t'as fait hier à part ça? Gros temps des fêtes? C'est bon. ton front frère, le fleuron glorieux. Quand ton bras se porte élevé, il fait porter la croix. Ton histoire est une épopée de plus brillant espoir. Quand Christ relève dans la jeune fille, Canada, oui, c'est la gloire fondée. Oh, Canada, oui, c'est la gloire fondée. Dans le cul 2011. Je sais pas pour vous autres, mais il me semble qu'il manque de portrait de la reine ici. Oui, ça, c'est vrai. C'est vrai. Il manque de Napoléon. Là. Oh oui, c'est vrai, tu nous as amené ça. J'ai pas compté comment il y en avait avant. J'ai valu qu'il y en avait 20. J'en ai lâché. Fait que t'avais 32 jujubes dans la bouche en même temps. It's a new record! Ah oui, on s'en va. On va laisser le temps de faire le ménage de son intérieur. Bravo, Géant. On va le laisser le gérer. En tout cas, si c'est pas ça qui te fait passer dans les ligues majeures, mon gars, les dépisteurs, ils connaissent rien. On s'en va écouter quoi après? On s'en va écouter Brun de Bernard Adamès. C'est celui qui était. Douteur pointé. Et celui qui a des cheveux, là. Ouais. Aujourd'hui c'est comme hier, mais t'as le goût. 2011, fabuleux, c'est un film de Jean-Marie Balardi, c'est celui qui nous avait fait vivre pour survivre, alias Le Diamant, alias Whitefire, un film de 84, collaboration turque-italienne. Le monsieur, il est de nationalité française, mais tous ses films, il y a tout le temps comme plusieurs pays producteurs, il a l'air de connaître des personnes bizarres. Pour cause, il est quand même pas n'importe qui, monsieur Balardi, qui était un... c'est lui. C'est lui, il joue un rôle dans son propre film. Il est très habitué à jouer des rôles dans ses propres films. Je veux pas dire qu'il y a personne qui veut jouer dans ses films. C'est... parce que ça a l'air d'être une affaire de famille. Et puis, j'ai pas... en fait, ça m'intéressait pas vraiment, mais j'ai pas fait de recherche sur la vie du monsieur. Et dans ce film-là, au début, il y a un bout particulier, c'est que... il est comme assis autour d'une table avec toute sa famille qui est là, son personnage. Et puis, il parle dans sa tête de chacun des membres de sa famille en lui envoyant des médisances. Ça avait l'air d'un règlement de compte caché, ce genre de petit malaise auquel le monsieur nous a habitués souvent, lui qui a écrit et fait se dire en film la phrase « Dommage que tu sois ma sœur ». C'est ça, c'est comme ils disent, comme ils disent, un coup bandé, plus de parenté, ils disent. C'est que j'ai hâte de les trouver, c'est qui eux autres. Il faudrait vraiment qu'ils sortent plus souvent de chez eux. Ceux-là. Ah, ils font ça. Peut-être que Jean-Marie est sorti souvent de chez eux, lui, parce qu'il a réussi à se faire tout plein d'amis dans le domaine du cinéma. Il a commencé jadis, ouais, on en parlait là. On y arrive, là, c'est là le bout qui sont tous assis autour de la table à manger. Là. Ayant fondu avec Thibault l'architecte. Mais qui est-il, l'architecte Thibault? On dirait pas ce que t'es assis avec eux, Tom. Pareil. Ah, c'est lui, c'est Palardi. Je suis à l'intérieur de Jean-Marie. Ouais, c'est spécial, dit comme ça. Donc, on en a déjà parlé. Jean-Marie Palardi a été modèle masculin dans les années 60. Et il s'est ensuite attaqué à la réalisation de films parce qu'il trouvait que sa job était ennuyeuse de modèle masculin. Ouais, ça prend comme pas beaucoup d'imagination pour imaginer que ça devait être plate. Ouais. Comme tous les autres réalisateurs, il a fait des films à propos de ses intérêts personnels. C'est pourquoi on lui connaît, entre autres, et sans ordre chronologique, L'amour chez les poids lourds, Pénétration méditerranéenne, deux films d'Emmanuel, dont Emmanuel à Cannes et Emmanuel en Thaïlande, L'insatisfaite, voyons, t'as ta main droite, je sais pas, en tout cas. Vive pour survivre et mon titre de film préféré en longtemps, L'arrière-train sifflera trois fois. Come on, man. C'est en français, là, c'est un francophone, donc il a nommé son titre L'arrière-train soufflera trois fois. Sifflera, ouais, c'est plus drôle. Suite à sa dure critique du monde de la drogue que l'on a subi avec Overdose de 1987, pardon, le créateur Pallardy se donna 14 années de pause bien méritée avant de nous revenir avec un drame aux accents de déjà-vu en la chose de The Donner, ou en français, Femme ou maîtresse. Ça, c'est en 2001. Rien, mais rien, en aucune façon, d'aucune manière, pouvait laisser penser qu'il récidiverait en 2009. Juste pour faire sûr, rien. De rien. Championnement rien ne pouvait nous préparer à un nouveau long-métrage de Jean-Marie Pallardy. Tourné en 2009, mais distribué en 2011 seulement, ce film est en tête de notre rétrospective annuelle pour deux bonnes raisons. En tête de notre rétrospective 2011. La première des bonnes raisons, c'est que c'est vraiment bourré. Attends, c'est qu'il y a des boules. T'es tâton. Ouais, ben c'est un film de Jean-Marie Pallardy. Il a fait deux Emmanuel. Ok, excuse-moi, Tommy, je voulais pas de concentrer en chaîne. Oh, il n'y a aucun problème, c'est des boules. C'est ça. Donc, deux bonnes raisons. La première, c'est que c'est bourré de dialogues spongieux au point de faire de l'ensemble un bon drame à moins 6 qui passe pas trop vite, mais juste assez. Ça va bien couler. Et deux, I am here now, I am here 4 points now de Neil Breen a déjà joué au visionnement cet été. C'était, à mon sens, et au sens de... En tout cas, c'est ça, il y a 9 mains levées sur 10 ici, dans la place, là. Sacré Neil Breen. Sinon, que dire? Jouage dans le dos, chantage, tromperie amoureuse, rien de bien étranger à quelqu'un qui a terminé son secondaire. Mais appliqué à la sauce Pallardy, ça devient un empilage de vacuité sans conséquence, dans le seul but de filmer des totons de babe ayant le tiers de son âge. Donc, oui, c'est un drame douteux. Il faut écouter les dialogues. Ça tourne en rond beaucoup. Le gars, il trouve des prétextes pour que les madames enlèvent du linge parce que la caméra elle tourne. C'est pas de la prostitution. C'est de l'art. J'aime particulièrement, moi, les bouts au début du film durant lesquels Jean-Marie... C'est un autre gars, ça, pareil. Hein? Car c'est bel et bien Jean-Marie qu'on a vu tantôt. Ouais, il joue le vieux. Il va régler, comme je disais, en voix off les comptes avec sa famille. C'est comme weird. Parce qu'on sait pas si c'est pour vrai qu'il dit « Ah, mon frère, c'est égoïste qui n'en veut qu'à mon argent, blablabla. » Puis, je sais pas. Mais peut-être pas. Sûrement pas. Ça doit être plein d'amour chez eux tout le temps. Sinon, plus que jamais, l'année recommence. Là, on y va tranquille. C'est la magie de Noël qui a des relents. Même Bruno pouvait pas être là à soir. Même Bruno, câlisse. Bruno, pourquoi ça fait ça, ça m'arnaque? C'est correct! Plus que jamais, je vous demande de passer sur le site www.douteux.org chaque semaine pour voter pour le long métrage qui va constituer le corpus de notre visionnement de la semaine. Et, s'il vous plaît, par pitié, je vous intime pour tout le reste de votre vie, pour toujours et de toutes les manières, évitez de tomber dans les marches d'escalier. Faut pas. C'est la semaine de prévention. Pas mal ça. Peux-tu, Predge, juste plugger un bout du film au hasard, là, qu'on se mêle de la bonne ambiance gluante. Ah, mais là, il y a la petite chicane. Là. C'est pas vrai, il y a des barons. Ah oui, c'est là que ça brasse. On va mettre la scène de Dret ça. Ouais, ouais, si tu y reviens, moi, je suis content. Juste comme... Ouais, toutes les frames sont juste comme... Okay. Ah, mais il était dret dessus, j'aime ça. C'est live, c'est... on digère. Toi, t'as pas peur, hein, Rémi? Ouais, je suis captivé. Mais pourquoi t'as sauté dans une beuverie il y a 20 ans? Oui, bien sûr, tu as cru tout de suite au grand amour. Le seul, l'unique, ma pauvre. Si j'ai le plaisir de vous réunir aujourd'hui, c'est pour vous annoncer que Marie-Paul et moi avons décidé, après un an de réflexion, de nous marier. Non, mais regarde-toi, mon frère. Toi et tes deux filles. Tout le monde l'annonce comme ça. Sans oublier ton imbécile de maîtresse. Avec des virgules après chaque bloc de quatre mots. Et d'avoir des enfants. À Marie-Paul. Elle est contente. Ouais. Oui, pour vous tous, Marie-Paul est une catastrophe. Une véritable catastrophe. Ben oui, parce que là, il suffit de voir l'héritage. Eh oui, je suis sûr. Grosse twist, non, là. Lui, il se fait tuer au début, puis là, il y a une enquête à savoir c'est qui, puis ils sont comme tous suspects parce qu'ils sont tous au party. Ou comme il déclare qu'il va aller changer son, son testament. C'est comme ben des affaires, les 10 tinègues aussi de Agatha Christie. Les meurtres et mystères. Tous les meurtres et mystères. Sauf que dans les 10 tinègues, c'est la motivation, c'est de punir des méchants, tandis que là, c'est l'argent. Puis il y a toujours des objets contondants. Ça, finalement, ça c'est clou, ça. C'est clou. Ouais, ouais, c'est ça. Tu vois, hein, c'est dans les moments de. Tu vois, on se découvre des héros. C'est beau. Dans Fred, les moments les plus pires, t'as l'air. Ouais, ouais, dans les erreurs, les. Ouais, ouais, les rengaines, ouais. Les plus. Toi, tu voulais nous parler de Napoléon un petit peu pour poursuivre avec les génies français. Ah oui, parler de l'empereur. Mm-hmm, ben oui, mais je t'en prie. Il me semblait bien aussi qu'un français pouvait juste parler d'un autre français. Ben oui, c'est ça. C'est de l'autopromotion encore. Il joue même pas au football. On va faire de la promotion. Non, vous pouvez juste voir le chapeau de Napoléon au musée de Montréal. Puis, c'est magnifique. Mm. C'est un chapeau qui vient de la campagne de Russie. Où Napoléon s'est pris. C'est une de tes préférées. Ah ouais, il est magnifique. Ah ouais? Faut aller prendre une photo devant et se recueillir. T'as-tu dit se recueillir? Se recueillir. Non. Minutes, oui. Dans Napoléon, le micro, dans le micro. Mais tu dis. C'est... Pourquoi ça s'est retrouvé à Montréal, ça? Moi je le sais. Ouais. Peux-tu le dire? C'est un collectionneur. Ouais, c'est. Je vois le dire. Vas-y. C'est Ben Wider, en fait. C'est celui qui s'est occupé des produits Wider, là, d'entraînement, là, de la créatine et tout. Là. C'est un Montréalais anglophone. Et puis lui, depuis tout le temps, ben, depuis avant qu'il meure, là, en tout cas, il était gros fan de Napoléon. Puis il collectionnait tous les objets, blabla. Il y avait un mythe qui tournait autour de sa mort. Et parce que le monsieur, il a pu prouver qu'il y avait une mèche de cheveux de Napoléon, qui est d'ailleurs à cette exposition-là ici, du très génial empereur, celui qui s'est humblement... Alors, parce qu'il avait prouvé... Finis ta phrase, là. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que Ben Wider, en fait, et grâce à la mèche de cheveux qu'il avait, ils ont réussi à prouver que Napoléon est mort dans l'île où il est allé faire sa retraite. Il faisait plus chaud, c'était humide. Il y avait un papier de sur les murs, là, comme une tapisserie, qui était collé avec une colle d'acacia, je pense. Là. Puis, dans le fond, ça faisait que lui, il dormait dans des vapeurs d'arsenic tout le temps. Et puis, l'arsenic est allé se déposer sur ses cheveux. Et c'est donc au travers de tout ça qu'ils ont pu prouver que Napoléon n'était pas mort assassiné ou d'aucune manière. C'est juste que, dans ce temps-là, il pensait que la laine minérale, ça pouvait aller dans des hamburgers. Non, mais on évolue. Bon, on évolue. Écoute, parlant d'évoluer, Napoléon, est-ce qu'on est pour? Est-ce qu'on est contre? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on le conseille? Ah oui, on le conseille. On conseille Napoléon? Bah oui. J'aimerais ça demander l'opinion de Cœur de Pirate, peux-tu? Hey, tabarnak. Elle a réussi à se faire une drôle. Ah oui, premier concert à Bruxelles et que je vous aime. Niaiseuse! Pardon? Non, mais est-ce que tu sais vraiment ce que ça veut dire? Mais c'est toi le niaiseux. Non, je t'aime quand même. Donc, je t'aime toi et toi. Patine. Vraiment que je vais vous jouer une belle chanson. encore une fois, je ne vous garantis rien. Mais vous allez l'accepter de toute façon. Vous allez aimer ça. Et voilà. Vous en avez plaisir. OK. Mais, de moins en moins à l'aise. C'est quoi, c'est un montage de son C'est un montage de ses meilleurs moments. Quand elle se traitait de niaiseuse, quand elle essaie de patiner et s'en sortir. Excusez, mais je trouvais que ça fitait bien. Faut dire qu'elle a comme brûlé des étapes, me semble. Elle est allée en France tout de suite avant. Il faut comme que tu te mettes à dos Guy Cloutier ou. Ah, c'est vrai, il était plus là, Guy. C'est à cause de son accent, il pensait qu'elle était française. Ouais, elle était juste prétentieuse, finalement. Ouais, ouais, son accent plastique, ça, c'est bien important, ces affaires-là. J'ai encore quelques petites questions de nos amis internautes. Oui. As-tu passé des belles fêtes de Noël? Ah oui. As-tu vu ce que tu t'avais demandé à la Père Noël? Oui. Savez-vous ce que j'ai sorti hier pour fêter le jour de l'an? Conte-moi ça. La brassière que j'ai reçue le soir au brouhaha! Oh! Oh! On salue les Mirettes qui l'a lancé. Et l'oncle Gérard de ma femme l'a porté. Oh, elle! Est-ce qu'on a des photos? Est-ce qu'on a des photos? On s'est mis tous It les gets deux. Better. On s'est mis en cuillère. Yes! Il y a du développement, là, continue! Des gros scoops! Y a-t-il un choix de réponse? On s'est mis en cuillère, mais tout le monde a chanté une chanson pour nous ramener parce que là, on partait. Là. Ça a dégénéré. Bon, grosse fête de Noël, j'aime ça. C'est quoi qu'ils ont chanté? It must have been love, but it's over now! J'ai pas l'inspiration du moment. Est-ce que t'aimes les jeux vidéo? J'ai déjà aimé ça, oui. Mon fils aime ça beaucoup. Ah oui? Ouais, il a eu son toi, PS3. Max? Max, oui. Tu sais, Max, toi, t'as le micro. OK, il a un autre fils, là, quelque part. Oui, j'ai eu un enfant avec une demoiselle. Ah, oh, sapristi, OK. Excuse-moi, mon gars. Oui, on parle pas de ça en tout. Max, c'est le fils de ma blonde, ma femme, présentement. Okay, j'ai eu un enfant en 2002, oui. OK, bon, voilà, ça explique des affaires. C'est ça. Responsabilité, ça veut dire qu'il y a à peu près le même âge que le prince Enoch, je pense, ton kid. Ça se peut bien, oui. C'est très comme Magic, je sais pas de quoi tu parles. Oui, oui, ça c'est mieux, tu saches pas. Ben, peut-être pas, là, tu feras tes recherches sur le roi Enoch, puis... Tu m'en reparleras, je serais bien curieux. Le roi Enoch? Ouais, le roi Enoch. C'est lui qui a un médaillon qui touche à son pénis. C'est un rapper. Tu verras bien. C'est le fun, le rap, parce que c'est toutes les saveurs du jour, souvent, que ça promeut. Tu sais, il faut traiter les femmes comme des chiennes, il faut vendre de la drogue et que t'ailles des fusils. C'est toutes qui les... tient dans ton jogging. Dans des ton jogging. Uzi. Des Uzis. on parle à GL, l'autre, je fais moi. OK, avec OK, l'autre. Alors on arrête. Alors, on se salue à la maison, Captain Roanoke. Ben oui. Certainement les Est-ce que t'es un amateur de films? Oui, absolument. Parle-moi de tes trois films deuxième préférés. 2012, parce que je voulais voir comment on va finir. Je pense qu'on finit avec un générique, c'est ça? On finit avec un générique, c'est ça. On nous dit que c'est un canular, à la fin. J'aime beaucoup les films sur le courage, tu sais, comme... Braveheart. Bombi. Ouais, ça, c'est un peu sauvage. Mais un peu comme, tu sais, le boxeur Hurricane, Cinderella Man, des affaires des gens qui ont accompli des choses extraordinaires avec... l'autobiographie de Michel Richard. Pardon? Ben, tu dis désespoir, l'autobiographie de Michel Richard. Ils vont-tu faire ça en film? Et on le souhaite, et on le finance. On le finance. Je veux un film on sur la vie de Michel Richard. Ailleurs? OK, je prends une pétition demain. Là. Ouais, c'est ça. On pourrait demander à Sodec de débloquer les fonds. D'habitude, eux autres, ils coopèrent quand c'est les personnes de talent. Puis je me lance comme ça, là, mais d'après moi, elle serait d'accord. Fait que là... Après, parler d'elle. As-tu un acteur préféré, un style de... Tu parles des émotions, de l'honneur et tout, là, mais je veux dire... Si je te parle Arte Povera italien ou le déconstructivisme allemand ou l'école classique russe. La liste de Schindler. Le surréalisme à la Lynch. La liste de Schindler, j'ai beaucoup aimé le rôle de Liam Neeson là-dedans. Son côté humain. Et aussi le général allemand. Là. Comment il s'appelait, donc je ne sais plus. Là, mais, bon général. Ben, c'est lui qui a fait le rôle. Là. le tueur. Ça nous prendrait notre spécialiste qui est Simon Chénier. C'est ça. Mais non, oui, ce film-là, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Même si c'est réel ce qui s'est passé, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Bon, oui, ils ont bien fait ça. As-tu déjà vu Underground de Emir Costa Rica? Ça, c'est ça. Non. Non, ben, c'est un petit peu la même histoire, mais virant en joke. Là. Moi, j'aime tout le temps plus quand on peut rire. Là, que... Ouais, c'est sûr, parce que c'est très triste. Là. Ouais. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu penses? Très bon film, Underground, en fait. Je le suggère à tous. C'est vrai. Oh oui. Ça, sauf ceux qui l'ont déjà vu et que ça leur tente plus de le revoir, mettons. Là, eux autres, je le suggérerais pas. Je suggérerais eux autres La Grenouille et la Baleine. Ben, j'aime beaucoup aussi le film Armageddon. Armageddon, surtout la facilité avec laquelle ils ont eu à se rendre sur le météore. Hey, hein. Ça, je me suis dit, hey, pourquoi pas essayer ça à un moment donné? Et puis jouer au golf. Une... Faire une ride de météore. Jouer au golf, tu sais, c'est un plateau de forage. Oui, faut que tu sois mineur, par contre, parce que sinon, ils t'en vont pas dans l'espace. Ouais, c'est clair. Est-ce qu'on dit mineur ou minier? Mineur, OK. Oh, on dit un mineur. Là-dessus, les on arrive pas mal sur le tard de la fin. Peut-être que tu peux mettre un dernier clip avant que Géant nous enligne la fin de l'émission, la fin de l'entrevue, okay. La fin du monde. Ben non, justement, faut qu'on termine avec Géant. Là. Ben voilà. Fait que ça va être un clip à propos de gens qui sont devant une caméra. Et voilà, on va aller voir Lavage. Ah oui, c'est spécial, les autres. Moi aussi, je me demande pourquoi il parle pas. Pokémon, je suis plutôt dans l'attaque. Un de mes Pokémon préférés, c'est Noctali, qui pour moi le Pokémon le plus merveilleux, qui me ressemble beaucoup d'ailleurs. En plus, c'est au niveau de son niveau de bonheur, en fait, qui évolue. Il y a plein de façons d'évoluer ces Pokémon, il y a plein de façons de les attraper. Et les jeux de Pokémon ont évolué avec leur génération. Pokémon Heart Gold et Soul Silver sur Nintendo DS. Bienvenue au Pick-up. Aujourd'hui, toute la troupe débarque au terminus de Longueuil. Ah, ouais, le Pick-up, le terminus de Longueuil. Ouais, ouais, c'est le court-métrage de Luc de la Rochelière qui a cautionné et qui est très fier qu'il existe, sûrement. C'est tellement bon. Il y a Joël Legendre. Pauvre Joël, câlin. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, l'année passée, rappelle-toi quand il a lancé son livre, Les plaisirs de ma bouche. Puis en même temps. En même temps, c'est sorti qu'il était gay la même semaine qu'il lance le livre de cuisine, Les plaisirs de ma pauvre gars! C'était pas prévu, hein? Mais il est pas de même, Joël. Les plaisirs. Non, Joël, il fait ce qu'on lui dit de faire. Les plaisirs de ça. Plaisirs de ma bouche. Ah, puis en passant, je suis gay. Ah, oh, oui, puis en passant, on s'en. Parce que c'est pas le fait qu'il est gay, là, c'est pas ça, ça, c'est pas grave. Mais c'est qu'il a souffert. Il y a sa famille là-dedans. C'est une victime. C'est un petit Nathalie Simard, finalement. Voilà. À chaque couverture de 7 jours sur Nathalie Simard. Très bien dit. Là-dessus, Rémi Galinette, merci beaucoup pour les clips. C'est Galinette Studio sur YouTube ou tapez ça Galinette. Là, écoute, là. Il n'y en aura pas trois. Et il va continuer à nous faire des clips et tout. Il y en a d'ailleurs deux nouveaux de toi qui sont sur notre compte à douteux.org. Et voilà, il y a l'adresse qui est écrite juste en bas. Fred Fournier, moi, je pense qu'on a découvert de quoi, soit. Quand tu t'empêterais pas de... En tout cas, bon... Ça m'a fait plaisir. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Fred, écoute les pas, je les aime, tes chroniques Metro Flirt, moi. C'est juste lui qui les aime pas parce qu'il est pas dedans. Ben, c'est surtout que... Ou peut-être je suis trop... Hey, Simon Préjean, merci beaucoup. Plaisir. Predge à la technique, il est content. On repart pour 2012. Andy Jacques aussi. Et puis, il y a Gagnon là-bas. Là. Elle peut dire salut. Là. Allô, elle est contente, t'es dans le salon. Hey, fait que là-dessus, Géant, merci bien gros. Merci, Géant. Merci. Invité. Et puis, ben, merci Sylvie, merci Max. Vous êtes une belle gang. Merci. Je veux juste dire aux gens que cet album-là de Géant, Foudel, vous pouvez le commander chez Zellers Walmart, HMV, Archambault et Renaud-Bray. Vous demandez de le commander. La demande, c'est vous qui la faites parce que, bon, il n'y a pas encore assez de... Ça sent trop le char neuf encore. C'est ça. Fait que faut créer une demande, puis Géant va pouvoir aller plus loin. C'est ça l'affaire. Pour l'instant, c'est « Sauve-toi pas ». Sauve-toi pas, puis hey, je vous demande de chanter avec moi, la gang. Tout le monde à la maison. Après ça, on s'en va, tout au brouhaha. Oui! Wouh! 58-60 de Lormier, coin des Carrières, à Montréal. Ben, allez voir sur le site web pour les autres places en région. J'ai entendu dire, vous le savez? C'est ce qu'on raconte. C'est ce qui est sur YouTube. C'est la légende. OK. Va-t'en pas. Dis-moi ce qui te fait sourire. Je suis le génie de tes désirs. Cache-toi pas. J'ai plein d'autres choses à dire. Bien que je t'emmène dans mon. En écoutant nos émissions préférées. ta bouche dorée. Hey, sauve-toi pas, donne-moi ton bec avant de partir. T'as toujours su comment me séduire. Tiens, v'là tes fleurs, les avais cachées dans l'armoire. Merci! Bon ben, merci les gars. On a tellement dépassé 70% cette semaine que la semaine prochaine, Julien Bernatchez va passer le show endormi sur la table. Revenez-nous, allez voter. Merci Géant. Bonne année. Si je peux passer un dernier message en finale, c'était la fin de notre grand débarouillage de Noël, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été là tout le long du mois. On continue à travailler sur le studio, puis on vous revient prochainement. Un jour. Peut-être un débrouillage de la Saint-Valentin avec juste du Dynasty puis du... Sûrement qu'à ça va repartir. Mais ça va être on vous revient bientôt, ça s'en vient un jour, on va être 24 heures sur 24, 365 jours par année. En attendant, ben, y a les rediffusions, bon visionnement, c'est ici que ça coupe. On va laisser les gens quitter avec une chanson triste, là. On va trouver quelque chose, là, pis... À la fête de Green Day, là, hein? Ah non, attends, on avait ça tantôt, moi j'étais... Elle n'a jamais été utilisée, hein, me semble. Puis là, vous quittez, puis on ferme la lumière, puis ça se termine comme ça. C'était Douta TV de Noël. Merci beaucoup. Il y avait tellement pour vous, les délaissés. On est là pour vous. Ellos sí los